Le monde tourne à l'envers, on sait plus quoi penser, on avance sans repère, toujours prêt à encaisser. On oublie de se regarder, on s'efface dans la foule. À force de vouloir plaire, nos cœurs deviennent trop lourds. Mais moi je crois encore au miracle sans décor. Rallume les On se perd dans le bruit, on court pour rien parfois, on s'accroche à l'ennui, en croyant que c'est un choix. Mais il suffit d'un geste, d'un sourire, d'un regard, pour allumer le reste et rallonger nos soirs. Mais moi je crois encore au miracle sans décor. Rallume les étoiles, celles qu'on voit plus quand tout déraille. Rallume les étoiles, les rêves qu'on cache sous nos failles. Même un tout petit éclat peut changer tout en. On peut refaire l'histoire, il suffit d'y croire encore une fois. Dernières étoiles, celles qu'on voit plus quand tout déraille. Rallume les étoiles, les rêves qu'on cache sous nos failles. Même un tout petit éclat changer tout en